Angoisse. Mais voilà, au bout de quelques heures, je m'ennuie. Le soleil étant encore haut dans le ciel, je ne peux décemment pas rentrer chez moi tout de suite. Pendant quelques minutes encore, je force ma nature, faisant semblant de profiter de la grandeur des lieux, mais je remarque mon petit manège. L'envie n'y est plus. Les faits sont là, et je ne peux rien contre eux. Je suis bel et bien enfermé à l'extérieur de chez moi, prisonnier de l'infini, de l'étranger, du jour lumineux. Petit à petit, ma respiration que je veux mesurer s'affole. Alors je marche rapidement pour l'épuiser un peu. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. J'ai le désir furieux de tirer le rideau de la nuit pour mettre un terme au spectacle indécent du soleil qui se pavane en pleine nature, incitant les hommes au partage, à la douceur de vivre entre amis, aux promenades en famille, à la vie paisible en communauté. Chez moi, je parviens toujours à échapper à ce sentiment, à lutter contre ces accès de lucidité qui me font me sentir monstrueusement comme les autres. Je réussis à me persuader que non, je ne suis pas obligé, en tapant sur un de mes nuages, en me plongeant dans la lecture d'un roman, en nourrissant mes poules, en arrosant mes courgettes, en réparant mes vélos, ou en fermant mes volets. Mais ici, aucun dérivatif. Maladroit, imprudent que je fus, je n'ai pris avec moi que le léger bagage me permettant de ne pas mourir d'une faim terrestre. Rien de spirituel, ni livre, ni outil, ni carnet à dessin. Manque d'habitude. Mon esprit dérangé m'a convaincu que je serais capable de passer une journée entière sans occuper mes mains, en me divertissant le regard d'un simple spectacle, forcément ennuyeux à la longue. On dirait que je ne me connais pas. Je cherche un bloc de marbre tendre. Mais allez donc, ils sont tous raides et secs à présent. Et je pose mes fesses sur le premier venu. Je tente quelques respirations profondes. Le calme intérieur, long à venir, s'installe peu à peu. Mon rythme cardiaque devient plus acceptable. Les yeux fermés, j'alterne inspiration profonde et expiration lente à plusieurs reprises. Je fais tout mon possible pour ne penser qu'à ça. Progressivement, le monde se tranquillise autour de moi. Les oiseaux chantent moins fort, les odeurs deviennent moins agressives et au lieu de me surcharger de lourdeurs olfactives, elles me ravissent à nouveau de leur doux accent méditerranéen. Je suis bien. Je suis à nouveau chez moi, au-dedans. Le bruit d'un avion de ligne au loin vient me masser les tympans de son ronronnement régulier. Mes épaules se rabaissent, mes muscles se détendent, mon corps est au calme. Quelques insectes qui bavardent, un souffle de vent qui vient faire parler les feuilles. Qu'est-ce que je suis bien ! Une brindille craque au loin. Une semelle crisse sur un sol caillouteux. Quelqu'un ! Je me lève d'un bond, tendant l'oreille. Les voix sont toutes proches. Je me ramasse sur moi-même, avant de bondir dans les ronces, les yeux exorbités. Les oreilles en arrière, je suis un lapin anonyme pris dans les phares de la civilisation. Me déplaçant en position accroupie, je chemine à couvert, puis je me pose derrière un arbre pour tâcher d'apercevoir les intrus. Ça y est, je les distingue. Un couple de personnes âgées, un homme et une femme jeune, deux enfants. Trois générations de deux échantillons chacune, en balade digestive. Ils se dirigent vers le front de taille de la carrière de Louis. Mon vélo ! La peur panique et irraisonnée qui me saisit donne le départ à mes muscles antérieurs, auxquels je me soumets malgré moi. Effectuant une grande boucle à pleine vitesse, silencieux au possible, je contourne l'ennemi par l'arrière. Je suis indien. Me déchirant habit, visage, mollets et autres parties apparentes du corps, je parviens au vélo avant l'inquiétante famille. Le prenant à bout de bras, conscient du danger tout proche, je retrace la même courbe en sens inverse, le cœur battant comme celui d'un lézard, prêt à rompre. Je passe à proximité d'un épais buisson derrière lequel je me terre, et je tente de maîtriser le bruit de mon souffle, bouche grande ouverte. De mon impénétrable cache, j'observe autour de moi, ne pouvant saisir que les cris suraigus des bambins. Après quelques minutes, mal à l'aise dans ce buisson de plantes toutes plus épineuses les unes que les autres, incapable de bouger, je piaffe d'impatience et de gêne. Les braillements ininterrompus des enfants commencent à m'agacer. J'en veux aux parents qui les laissent agir de la sorte. N'ont-ils pas d'oreilles ? Et ça continue, et ça s'égosille, et ça dure, ça s'éternise. J'ai l'impression d'avoir été condamné à perpétuité au motif d'incapacité à vivre en troupeau. La torture, à base de piqûres végétales et de cris d'enfants, s'ajoute à mon emprisonnement. Le monde est cruel. Les juges qui le peuplent sont à son image. Pour oublier le temps et les hommes, je me force à rentrer dans ma coquille, de façon littérale. J'imagine mon corps gluant d'ennui, mou et vulnérable, offert à l'insipide universel sans aucune défense, obligé de subir les caresses mortelles à caractère conversationnel de l'extérieur, meurtri par les pluies acides de l'injonction de sociabilité, se tortillant dans des flux et reflux pour échapper aux assauts de l'ennemi, tel un intestin arraché à son propriétaire, jeté à terre, continuant son travail de digestion par réflexe, avant de s'éteindre complètement. J'imagine ce corps limaçon, aspiré tout entier, anneau, par la carapace de mon crâne, par mon cerveau bien au chaud dans son casque solide d'os. Et petit à petit, mon corps souffre moins. Mes oreilles ne sont plus percées par les cris enfantins, mes yeux qui regardent vers l'intérieur ne sont plus obligés de fournir des efforts colossaux pour résister à la contemplation de la laideur du monde. Je suis devenu invisible, inconsistant, comme un gant tourné et retourné sur lui-même tant de fois qu'il ne forme plus qu'une petite boule compacte, un concentré dense de matière. Au bout d'une éternité, la famille rebrousse enfin chemin pour rentrer au village. Leurs molles conversations aux accents de repas trop riches suintent à deux pas de mon buisson, plus ardent que jamais. Mon corps oublié retrouve alors un morceau de sa consistance, à l'affût. Je tends l'oreille, flaire la proximité du danger. J'essaie de soulever une paupière, mais mes muscles ne répondent pas, j'en connais la cause. Je ne supporte pas de regarder le visage des gens, ça me perturbe. L'intégralité de leur vie, de leurs sentiments, de leurs bas instincts semble sculptée sur leur face nue et indécemment offerte au reste du monde. Je vois dans les yeux la cruauté des bourreaux, dans la bouche la lâcheté des dénonciateurs. Je vois la démence des violeurs, la mollesse des suiveurs, la bombe nucléaire des penchants pervers en sommeil, prête à exploser à la moindre étincelle. Le corps se couvre par pudeur, le visage, jamais. Ne croyons pas que je sois adepte des pratiques religieuses ordonnant la dissimulation intégrale du corps, visage compris, sous des voiles. Je suis par nature ennemi de l'injonction. Mais mon libre arbitre me souffle plus qu'à son tour de détourner mon regard des visages inconnus, exhibant de façon obscène leurs yeux, leurs orifices buccaux, nasaux et auriculaires. Et je m'en remets à lui. Alors que les voix passent à mes côtés, je serre vélo et paupières. Muscles tendus, j'entends les pas de la famille sanguinaire qui s'éloigne et se perdent. Je garde les yeux clos en temps indéterminé, mais à coup sûr très long, jusqu'à ce que les paroles étrangères se soient perdues tout à fait dans la nature depuis longtemps. Je desserre peu à peu mes paupières douloureuses lorsque la luminosité que filtre se fait moins agressive. Le jour décline en effet, et mon corps s'ouvre progressivement à la vie. Au crépuscule achevé, je sors de mon taillis, le corps crispé encore, les membres meurtris de griffures diverses. Je tâte les pneus de ma bicyclette, craignant qu'une épine longue de ce paysage aride n'ait traversé la chambre à air. Mais tout paraît en ordre. La nuit qui tombe apaise mes nerfs. Je fais un bout de chemin à pied avant de me remettre en selle. Je profite des dernières poussières de jour pour m'extraire de la carrière et me voilà bientôt sur la petite route de campagne. Buvant à plein poumon les humeurs de la nuit, la surdose d'oxygène venant nourrir grassement mes muscles, je pédale à triple régime, attaquant les descentes billes en tête. Le vent caresse mon visage avec violence, me confirmant que ma période d'internement est terminée, que je peux rentrer à la maison. Je suis libre, sans attache, sans obligation. Je ne suis prisonnier que de moi-même et de leur pesanteur, ce qui est bien la moindre des choses. Galvanisé par ma liberté nouvelle, j'avale les kilomètres. La route défile sous mes roues gonflées de vent. Je profite de chaque atome de paysage. Puis, d'un coup, je vois grandir sous la lumière de la maigre lune le profil de ma maisonnette qui m'attend sagement. Je rentre la tête dans les épaules car je la sens déjà qui me réprimande d'un brin pour m'être aventuré tout un jour en dehors de ses murs. Le portillon, par rancunier, me grince la bienvenue, et quand je foule l'allée sous l'odeur de verdure, j'entends une chorale de courgettes et de tomates, soutenue par un chœur de marbre et de cycles, qui entonne pour moi un chant à plusieurs voix, vaguement iconoclaste, célébrant le retour de l'enfant qui n'a rien prodigué du tout. Je laisse mon vélo rejoindre ses congénères en roue libre, tandis que je serre avec effusion la poignée de la porte en chêne, avant de me rendre dans toutes les pièces pour manifester ma présence. À l'horizontale, je flotte un instant au-dessus du salon, puis je vais, d'un doigt expert, sélectionner un roman dans ma petite bibliothèque. Enfin, j'entame la descente pour atterrir dans mon fauteuil défoncé favori. Le livre s'appelle « L'homme qui ». C'est un de mes préférés que j'ai lu à de nombreuses reprises. D'une petite centaine de pages, il raconte l'histoire de l'homme qui, et la fiction me fait rêver. Au milieu de cette énième lecture, je me lève mollement, puis je vais me brosser les dents, une paupière déjà close. Je fais subir le même sort à mon autre œil, et ce manège me fait doucement glisser vers le sommeil, sur le drap situé sous la couverture en laine de mon lit, à l'intérieur de la chambre qui se trouve dans la maison. Ma maison.